Les accords sont mélodiques et j'ai le blues dans la peau. Celui qui fait qu'on pleure, qui nous laisse sans un mot. Les accords sont mélodiques et j'ai le blues dans la peau. Celui qui fait qu'on pleure, qui nous laisse sans un mot. Les accords sont mélodiques et j'ai le blues dans la peau. Les accords sont mélodiques, les accords sont mélodiques, les accords sont mélodiques, les accords sont mélodiques et j'ai le blues dans la peau. Celui qui fait qu'on pleure, qui nous laisse sans un mot. Dans un soupir ressort le poids des choses qui nous construisent, ressent les vibrations de cette musique sale. Quand ça va mal, le cafard nous accompagne. L'alcool nous contamine et Marie-Jeanne fait qu'on plane. Contemple ça comme un mirage. Souvent je regarde dans le vague, la vie ne fait pas de miracle. J'ai le bluesman et ça me colle à la peau. Ça me suit, où que j'aille, ça me colle à la peau. C'est nos histoires, nos vécus qui nous font grand berger. Nos victoires, nos défaites qui nous font avancer. Musical, thérapie, triste mélodie sur les accords de guitare. Le plus extériorise, il vous parle. Renverse les a priori, il nous parle aussi. Donc peu importe ce que les autres disent. J'ai le blues dans la peau avec le blues dans la poche. Un sentiment étrange qu'on veut fuir mais qui s'accroche. Le blues attisé par les doutes, attiré par ceux qui soufflent. Les yeux bandés au bord du gouffre. J'ai le blues dans la peau avec le blues dans la poche. Un sentiment étrange qu'on veut fuir mais qui s'accroche. Le blues attisé par les doutes, attiré par ceux qui soufflent. Les yeux bandés au bord du gouffre. Je crie avec mes larmes, réfugiant dans l'alcool. Je suis collé au sol, les pieds scellés dans la colle. D'accord, j'ai l'esprit au bout de la corde. Ça se voit sur mon corps, ça s'entend dans ma gorge. J'ai le blues, crois-moi j'en ai trop vu. Ici coulent les larmes de l'homme qui a trop bu. Trop dur, t'en as pas, j't'en procure. J't'en ramène un trop pur, tu verras comme il propulse. C'est ma life, pourtant me rend malade. Il est temps que je sonne l'alarme, tant j'en ai mal à l'âme. La page est noircie, marquée par les doutes. Celle d'une note assez courte qui de loin me paraît floue. C'est fou, j'ai des problèmes sans les résoudre. On m'a dit préparez-vous, mais je suis resté sourd. Franchement, dans l'instru je l'entends qui parle. Pourtant je garde espoir en attendant qu'il parte. J'ai le blues dans la peau avec le blues dans la poche. Un sentiment étrange qu'on veut fuir mais qui s'accroche. Le blues attisé par les doutes, attiré par ceux qui soufflent. Les yeux bandés au bord du gouffre. J'ai le blues dans la peau avec le blues dans la poche. Un sentiment étrange qu'on veut fuir mais qui s'accroche. Le blues attisé par les doutes, attiré par ceux qui soufflent. Les yeux bandés au bord du gouffre. Regarde comment il s'incorpore dans un corps d'homme. Hardcore war norme, je sens mon corps mort. Épuisé mes paradoxes, c'est lui qui m'alimente. Pas de manigance, avec le temps j'apprends les maniements. De la rime, taillée dans le blues, qui plonge dans les abîmes en face à face avec le doute. En tout c'est fou, car je le vois tous les jours. Il se glisse dans tous les coups et s'entend à la première écoute. J'ai le blues dans la peau comme pas mal de mes frères. Les couilles sur la table quand il s'agit de parler à faire. Sur les accords d'une musique inoubliable, on reste des jazzmen. Mais ici on oublie ça, là je t'ai coupé à l'arrache. Le blues veut pas que je tourne la page. La rage me fait écrire et accumuler les faces, ça se voit sur ma gueule. Il rythme ma vie, concrétise mes souffrances. Mais les images sur les rimes. J'ai le blues dans la peau avec le blues dans la poche. Un sentiment étrange qu'on veut fuir mais qui s'accroche. Le blues attisé par les doutes, attiré par ceux qui soufflent. Les yeux bandés au bord du gouffre. J'ai le blues dans la peau avec le blues dans la poche. Un sentiment étrange qu'on veut fuir mais qui s'accroche. Le blues attisé par les doutes, attiré par ceux qui soufflent. Les yeux bandés au bord du gouffre. Pick